Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette dernière édition du journal Parlé en français pour ce 19 juillet 2017. En voici les grandes articulations. Une vingtaine d'expropriés de Gassénié en commune Moutimbouzi où se construit le nouveau palais présidentiel demandent au médiateur national d'intervenir pour que la question de leurs indemnisations soit réglée. Ce matin, des membres du bureau de l'Ombudsman se sont rendus sur les lieux. Et près de 1000 Burundais qui s'étaient réfugiés dans les pays voisins sont déjà rentrés volontairement depuis le début de cette année, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur lors de la présentation de son bilan semestriel. L'école fondamentale de Mourira 2 en commune Gihanga de la province de Bubanza n'a pas fait de proclamation pour certaines classes à la fin de l'année scolaire écoulée. Et pour cause, les enseignants vacataires ont retenu les résultats parce qu'ils n'ont pas été payés. L'argent versé par les parents a été détourné. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et puis l'ONG Mémissa Belgique avec l'antenne de la Croix-Rouge à Gitega organise un recensement des indigents de toute cette province afin de les assister dans les soins de santé et dans certaines activités génératrices de revenus. Le lancement de l'opération a eu lieu ce mardi en commune Nyarusange à la grande satisfaction de l'administration locale. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bonsoir, une vingtaine de familles de Gassénié en commune Moutimbouzi dans la province de Bujumbura où se déroulent des activités de construction du nouveau palais présidentiel lancent un cri d'alarme à l'ombudsman burundais d'intervenir pour que leurs questions d'indemnisation soient réglées d'ici deux mois afin qu'elles trouvent d'autres logements. Cette doléance a été présentée ce mercredi aux membres du bureau de l'ombudsman qui s'étaient rendus sur les lieux pour constater l'état des choses. Évariste Nzikobanyanga, reportage. Ces habitants d'Ogassénié sommet de quitter l'endroit où sont en train d'être érigés les bâtiments du palais présidentiel indiquent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ceux qui n'ont pas trouvé où loger leur famille, ils s'abritent dans des taudis en paille qu'ils ont construits sur place. Ils demandent l'intervention de l'ombudsman pour que leur question d'indemnisation soit réglée d'ici deux mois pour qu'ils trouvent où loger les leurs. Nous demandons au chef de l'État de nous aider pour que notre question soit vidé dans cette période de deux mois d'avant le début de la saison de pluie pour que nous puissions survivre. Une autre préoccupation de ces habitants d'Ogassénié qui ont construit des maisons à l'aide des crédits, c'est ce fait de ne pas honorer aujourd'hui les modalités de remboursement aux banques. Ils demandent à l'ombudsman et à l'État de voir comment les aider pour qu'ils puissent s'en sortir. Avant que cette question ne soit résolue, nous voulons que les autorités nous aident pour que les banques dans lesquelles nous avons contracté des crédits arrêtent de nous taxer des intérêts de retard. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté car nous sommes en conflit avec ceux qui nous ont avalisés. Nous avions hypothéqué nos titres de propriété qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Les agents du bureau de l'ombudsman ont effectué une descente ce mercredi à Gassénié pour recueillir les doléances de cette population en détresse. Après l'entretien avec cette dernière, Jérémy Kekenoa, chef de cabinet au bureau de l'ombudsman, a indiqué que ces doléances vont être soumises à l'ombudsman burundais qui, à son tour, va aussi les soumettre à l'hiérarchie. Nous avons été envoyés par l'ombudsman de la République suite à une doléance qui lui a été soumise par certains gens qui habitaient ce site. Ces gens-là, ils ont un problème particulier parce que leurs maisons ont été démolies, parce qu'ils se trouvaient dans le périmètre qui était destiné à la construction des immeubles de l'État sur ce site. Mais ils disent qu'ils n'avaient pas été avertis à temps. La première chose que nous avons constatée, c'est que ces gens, cette population, ils ne s'en prennent pas directement à l'autorité de l'État parce qu'ils constatent qu'il y a eu une malfaçon, qu'un agent ou des agents de l'État qui n'ont pas bien réalisé le travail qu'ils devaient faire. Ces 23 familles d'Ogassénié indiquent n'avoir pas perçu leurs frais d'indemnisation au moment où l'État burundais dit avoir débloqué ces frais et le dossier est actuellement dans les mains de la justice. Merci Évariste. Le ministère de l'Intérieur se dit déterminé à rapatrier les réfugiés burundais qui sont hébergés par les pays voisins. Lors de la présentation ce mardi du bilan semestriel, le ministre de l'Intérieur a indiqué que depuis le début de l'année, le pays a accueilli près de 6000 rapatriés. Pascal Barandaguié appelle les concitoyens à contribuer dans la sensibilisation des réfugiés pour leur retour, car selon lui, la paix et la stabilité sont revenus dans le pays. Les détails avec Joseph Nsabiyabandi. Selon le ministère de l'Intérieur, les 5576 rapatriés sont rentrés de façon spontanée en provenance de l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Mozambique et le Malawi. Le ministre Pascal Barandagié compte mener des activités concrètes dans le but de poursuivre le programme du gouvernement de rapatrier les réfugiés. Nous avons déjà organisé les voyages à l'extérieur et en particulier en Ouganda, au cas de Nakivale. Nous avons aussi effectué un voyage en Tanzanie pour rencontrer l'autorité tanzanienne et discuter de la question. Nous comptons aussi visiter le camp des réfugiés en Tanzanie et en RDC. L'objectif étant que tous les Burundais qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Le ministre Barandagié appelle tous les Burundais à s'associer au gouvernement dans la sensibilisation des réfugiés. C'est vraiment transversal. On ne peut pas dire que c'est seulement notre ministère qui doit faire ce travail. Nous prenons le lead, mais c'est vraiment un travail transversal. Et nous comptons tout faire en donnant les messages de paix à tous ces gens, mais aussi en essayant de les joindre là où ils sont au camp pour les convaincre. Alors que le gouvernement parle de plus de 100 000 réfugiés rapatriés depuis le début de la calmie dans le pays, les chiffres actualisés du HCR font état de plus de 400 000 réfugiés hébergés dans les pays voisins. Joseph Sabiyabandi, les gouvernements du Burundi et du Rwanda doivent s'asseoir ensemble pour trouver des solutions aux problèmes diplomatiques qui existent entre ces deux pays, d'après l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye. Les considérations burundaises ont une nature de méfiance qui nécessite des démarches diplomatiques afin de trouver des solutions adéquates. Suivez-le. Les considérations burundaises ont une nature, je dirais, de méfiance tout simplement, mais qui nécessite un peu plus de calme et un peu plus de démarches diplomatiques, de dialogue, et cela peut trouver des solutions. À partir du moment où des Burundais s'exilent vers les pays voisins, ils sont d'abord dans les mains du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et le pays d'accueil, en principe, n'a pas le droit de les rapatrier de force. Je prends pour témoin que le Rwanda connaît bien cette situation, le Burundi connaît bien cette situation aussi. Le Rwanda a eu ce problème juste avant les élections 2005. Vous savez qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont venus au Burundi. Et à cette époque-là, le gouvernement rwandais a envoyé deux ministres ici au Burundi pour me sensibiliser sur la nécessité de renvoyer ces réfugiés dans leur pays d'origine. Je leur ai dit que cela n'était pas possible. Alors, ce qui était valable à l'époque est valable aujourd'hui aussi. Mais évidemment, le pays d'accueil a le devoir de surveiller et d'encadrer ces réfugiés pour qu'ils ne deviennent pas un obstacle à la sécurité du pays d'origine. Que le Burundi exige cela, que le Rwanda ait exigé cela, c'est tout à fait normal. Maintenant, que le Burundi considère qu'il y a de l'insécurité qui vient au Rwanda, je crois que la meilleure démarche pour résoudre cette question, ce sont les contacts diplomatiques. Il faut que chaque pays ou l'un des pays touche l'autre, en particulier le Burundi, approche le Rwanda, pour lui faire la requête et chercher des assurances de son côté là-bas. Et je crois que cela est possible. Le président Domitien Ndayizeye déplore les discours haineux de certains responsables qui ont souvent incité les populations de la base à des soulèvements. Domitien Ndayizeye trouve que si la question n'est pas vidée par les deux pays, ils peuvent faire recours à la communauté de l'Afrique de l'Est. Encore une fois, le président Domitien Ndayizeye. J'ai entendu au début de la crise des propos désobligeants de la part de certains responsables, mais je me rends compte que ces derniers temps, ça a diminué. Mais les menaces sont entendues souvent au niveau de la base. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ont un niveau politique assez bas. Et je suis sûr qu'ils ne maîtrisent pas les relations politiques et la géopolitique actuelle pour comprendre la portée de ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent aller trop loin. Et cela peut avoir des risques de conflagration entre nos deux pays. Et cela n'avantagerait personne. Il faut que le gouvernement burundais fasse des efforts pour instaurer au Burundi un environnement politique sain qui va faire en sorte que nos compatriotes puissent rentrer. Il ne sert à rien aujourd'hui que le Burundi tienne un langage, et le langage que nous entendons aujourd'hui, comme quoi ils vont attaquer le Rwanda, ils vont atterrir sur Kigali, etc. Ça, ce sont des paroles, tout simplement, parce que personne ne peut garantir ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours quand la guerre commence, parce qu'on la déclenche, mais quand la guerre se termine, personne ne le sait. Alors, le Burundi et le Rwanda ne gagnent rien. Moi, je considère qu'il vaut mieux plutôt qu'entrer dans cet engrenage de violence entre les pays, prendre ces moyens et les utiliser pour notre propre développement. Et si jamais entre Rwanda et le Burundi, cela ne marchait pas, il y a l'East African Community. Il y a des organes qui sont là pour la gestion des conflits. Je suis sûr que les garanties qui existent entre tous ces pays là-bas garantissent aussi la sécurité de chaque pays. Et ils ne peuvent accepter qu'un quelconque pays aille déstabiliser l'autre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La préparation de l'événement Miss Burundi exige beaucoup de moyens financiers, comme l'affirment quelques-unes des candidates à ce concours. Au niveau de la coordination des activités, l'on déclare qu'ils font tout leur possible pour avoir des partenaires pouvant financer l'événement. Entre-temps, celle qui sera choisie comme Miss Burundi pour l'édition 2017 sera connue ce samedi. Alida Ndaikeza a rencontré ses candidates. Voici son reportage. La compétition Miss Burundi voit la participation de 18 jeunes filles représentant toutes les provinces du pays. Ces jeunes filles passent beaucoup de temps à se préparer, ce qui leur demande beaucoup de moyens financiers. Kelly Nkurikiye, une des candidates, indique que même si la fondation Miss Burundi leur assure le déplacement, elles sont obligées d'ajouter un peu d'argent pour répondre présente à toutes les répétitions. Linka Nahimana, coach à Miss Burundi, elle affirme que ce problème est connu, mais qu'ils sont contraints d'utiliser un budget réduit. Au cours de ce concours, chaque candidate doit présenter un projet qu'elle va mettre en œuvre au cas où elle serait élue. Arleta Kimana nous a informé que cela demande un travail qui n'est pas moindre pour bien élaborer ses projets. Ange Bernice Ingabire, Miss Burundi 2016, invite ses jeunes filles à utiliser de la volonté, même s'il peut y avoir un problème de financement des projets. Au cours de mon année de règne, j'avais présenté un projet qui était d'assister les enfants qui naissent avec des malformations. Mon projet, j'ai quand même pu le faire malgré les contraintes financières, ce qui ne nous permettait pas de nous déplacer jusqu'où on voulait aller, parce qu'un projet, ça a vraiment de la valeur si ça couvre tout le pays. Quel est le chantier que vous laissez Miss qui va être choisie samedi? On a vraiment essayé de travailler, de faire nos projets, de manifester vraiment une visibilité pour que les gens puissent connaître le rôle d'une Miss, du coup la soutenir. On a essayé un peu de donner l'exemple que même si on n'a pas de moyens, on peut faire des choses, il faut juste avoir la volonté. Il faut juste avoir le courage de la persévérance et on peut y arriver. La candidate qui sortira gagnante, elle pourra avoir une voiture de marque Vitz. La première dauphine aura un montant d'1 500 000 de frambou, la deuxième dauphine 1 000 000 de frambou et toutes les trois pourront avoir un ticket d'avion qui les mènera dans une des villes de la communauté est-africaine. Merci Alida. Une base de données des indigents de la province Gitega va être établie pour les faire soigner et leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. Le lancement de cette opération s'est déroulé dans la commune Nyarusange par l'ONG Memisa Belgique et la Croix-Rouge Antenne de Gitega. L'administrateur de la commune Nyarusange indique qu'il va appuyer le projet. Arthur Kavawushi pour les détails. Cette base de données des indigents de toutes les communes de la province de Gitega qui est en train d'être constitué par l'ONG Memisa Belgique et la Croix-Rouge Burundi branche de Gitega et les élus locaux a débuté ce mardi dans la commune de Nyarusange. Selon le docteur Edouard Nkurunziza, coordinateur de l'ONG Memisa Belgique, l'objectif de cette opération est de savoir l'effectif réel des indigents afin de leur aider à se faire soigner en utilisant la carte d'assurance maladie CAM où 80% sont payés par le gouvernement, 15% seront payés par l'ONG Memisa Belgique et 5% par la Croix-Rouge Burundi branche de Gitega. Ce coordinateur de l'ONG Memisa Belgique a indiqué que ce programme va durer 5 ans et que le grand objectif est de tirer de la situation d'indigence ceux qui seront dans cette base de données en leur donnant des activités génératrices de revenus pour qu'ils puissent se faire soigner eux-mêmes et entrer dans les mutuelles de santé. Un des chefs de colline a fait savoir qu'ils viennent d'acquérir de bonnes méthodes de reconnaître celui qui est réellement indigent, étant donné qu'ils aident ceux qui ne sont pas indigents. L'administrateur de la commune Nyarusange, Ferdinand Hourquier, a indiqué qu'ils vont appuyer ce programme étant donné qu'il leur était difficile de constituer la liste des indigents car plus d'un se nommait indigent alors que c'est faux. Cette base de données des indigents va contenir tous les indigents de toutes les communes de la province de Gitega. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. De Gitega, nous nous rendons à Bubanza où il n'y a pas eu de proclamation pour certaines classes de l'école fondamentale Morira 2 de la commune Gihanga, ce qui a causé beaucoup de lamentations chez les parents d'écoliers. À l'origine, les enseignants vacataires n'ont pas été payés alors que les parents avaient versé 1 500 francs par élève pour payer ces enseignants. Ces derniers ont alors refusé de donner les résultats. La direction communale de l'enseignement en affirme que le problème est connu et qu'ils sont en train de chercher à le résoudre. Spes Caritas Kavagana. Au cours d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de Bubanza ce mardi sur la colline Ndababusongo, que les lamentations de ses parents du village 2 ont été soulevées. Ils indiquent qu'ils paient 1 500 francs par élève pour que les enseignants vacataires puissent bénéficier de leur prime d'encouragement, mais ils n'ont eu aucun sou, selon les témoins sur place au village 2. Et à leur tour, ils ont retenu les résultats. C'est à l'école fondamentale Morira 1. Le directeur de cette école est également accusé d'exiger 1 500 francs pour les parents qui cherchent une place des enfants de la première année. De son côté, la directrice communale de l'enseignement, qui participait également à cette réunion, a affirmé que le problème est connu et qu'il va bientôt être résolu, que les élèves de la 7e à la 9e année allaient recevoir les résultats ce mardi même. Ainsi, la Nice Guimana, directrice communale de l'enseignement, a ajouté que ce qui l'a étonné est que son directeur exige 1 500 francs pour les écoliers qui commencent la première année et qu'elle va enquêter sur cette situation. Nous n'avons pas pu joindre au téléphone le directeur de l'école fondamentale Morira 1 pour qu'il donne son point de vue. C'est Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spence. Et après les échauffourées survenues dans les familles des batois de la colline Kayange, commune Musigati, dans la province de Bubanza depuis lundi, la situation est pour le moment calme, selon les témoins sur place, suite aux réunions de pacification organisées par les forces de l'ordre en collaboration avec l'administration. La femme qui est morte a été finalement enterrée ce mardi soir. L'administrateur de Musigati a indiqué qu'il est en train de chercher un orphelinat qui pourra accueillir le nouveau-né laissé par cette femme. Pour rappel, à l'origine, une femme est morte et sa famille a accusé une famille voisine de l'avoir empoisonnée. Et c'est ainsi que la famille est prouvée à attaquer la famille suspectée à l'aide des machettes, des lances et des flèches, selon les témoins sur place à Kayange. Enfin, deux femmes originaires de Kamenge à Bujumbura, incarcérées depuis plus de 10 jours au cachot de la commune Nyamurenza en province de Ngozi, ont été transférées dès hier au cachet de la police judiciaire du chef-lieu de cette province. Elles ont été arrêtées alors qu'elles partaient pour des cérémonies funéraires au Rwanda sans document de voyage, d'après un des membres de leur famille. Ces femmes seront transférées à Bujumbura pour être interrogées par le Service national de renseignement, comme l'indiquent les organisations de défense des droits de l'homme à Ngozi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Jean-Bosco Ouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.